الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture de hadith concernant la croyance et le suivi mentionné par l'éminent Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali حفظه الله تعالى dans son livre intitulé Mudhakkiratul Hadith al-Nabawi fi al-Aqidati wal-Ittiba'. Nous allons voir aujourd'hui le 15e hadith qui concerne la sincérité et ce qui s'y oppose parmi les mauvaises intentions qui peuvent souiller le cœur de la personne et corrompre ses œuvres et plus particulièrement l'ostentation. Ce hadith est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, dont on a déjà parlé lors de l'explication du 11e hadith. Il rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire: Inna awwala an-nas yughla yawm al-qiyamati alayhi. La première personne que l'on jugera, à qui on demandera des comptes au jour de la résurrection. Rajulun istushhid. Un homme tombé en martyr. C'est-à-dire un homme qui en apparence a atteint le martyr et a été tué sur le sentier d'Allah. Fa'utiya bihi. On le fera venir. Fa'arrafahu ni'amahu. Fa'arafaha. On lui rappellera les bienfaits dont il a été comblé et il les reconnaîtra. Qala fama amilta fiha. On lui dira alors: et qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de ces bienfaits? Qala qataltu fika. J'ai combattu sur ton sentier. Hatta stushhidtu. Jusqu'à atteindre le martyr. Qala kadhabta. Il dira: tu as menti. Walakinaka qatalta li an yuqal jari'un. Mais tu as plutôt combattu pour que l'on dise de toi que tu es courageux. Faqat qil. Et ceci a été dit. C'est-à-dire, tu as obtenu ce que tu recherchais dans ce bas monde. Thumma umira bihi. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. On ordonnera alors de le prendre et de le tirer la tête au sol jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Et un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Qur'an. Fa'utiya bihi. On le fera venir. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. On lui rappellera les bienfaits dont il a été comblé, il les reconnaîtra. Qala fama amilta fiha. On lui dira alors: et qu'en as-tu fait? Qala ta'allamtu al-ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Il dira: j'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu pour toi le Qur'an. Qala kadhabta. Il dira: tu as menti. Walakinaka ta'allamta al-ilm li yuqal 'alim wa qara'ta al-Qur'an li yuqal huwa qari. Mais tu as plutôt appris la science pour qu'on l'on dise de toi que tu es un savant, et tu as lu le Coran pour que l'on dise de toi que tu es un lecteur. Faqat qil. Et ceci a été dit. Tu as obtenu ce que tu recherchais dans ce bas monde. Tu as eu ta rétribution. Thumma umira bihi. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. On ordonnera alors qu'il soit pris et tiré sur son visage jusqu'à être jeté en enfer. Wa rajulun. وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ. Et un homme à qui Allah a fait preuve de largesse et lui a donné toutes sortes de richesses. فَأُتِيَ بِهِ. On le fera alors venir. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. On lui rappellera les bienfaits dont il a été comblé, il les reconnaîtra. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. On lui dira alors: et qu'en as-tu fait? قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكْ. Je n'ai pas laissé une voie dans laquelle tu aimes qu'on dépense sans ne dépenser dans celle-ci pour toi. قَالَ كَذَبْتَ. Il dira: tu as menti. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالْ هُوَ جَوَادٍ. Mais tu as fait cela pour que l'on dise de toi que tu étais généreux. Faqat qil. Et ceci a été dit. Tu as eu ce que tu recherchais, tu as eu ta rétribution dans ce bas monde. Thumma umira bihi, fasuhiba ala wajhihi, thumma ulqiya fi an-nar. On ordonnera alors qu'il soit pris et qu'il soit tiré sur son visage et qu'il soit jeté en enfer. Et ce hadith, terrifiant, est rapporté par l'imam Muslim et d'autres, rahimahumullah ta'ala. Celui qui médite sur ce hadith comprendra l'importance capitale de purifier son cœur avant toute chose. N'a-t-on pas vu dans le hadith précédent que la lutte sur le sentier d'Allah fait partie des œuvres les plus méritoires et les plus aimées d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas mentionné dans son noble livre qu'il élève les gens de science? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas dit à leur sujet qu'ils sont les héritiers des prophètes? Également, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a-t-il pas dit dans son noble livre et ne nous a-t-il pas mentionné la récompense immense de ceux qui dépensent leur richesse sur son sentier? Et à quel point leur action et leurs dépenses sont décuplées, au point que la hasana soit multiplié par 10 jusqu'à 700 ou plus encore. Donc qu'est-ce qui a fait que ces personnes qui accomplissent des œuvres parmi les meilleures des œuvres soient les premiers à être jugés et qu'ils soient jetés en enfer wa l'ayadu billah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exposé clairement la cause de ce châtiment. C'est qu'ils n'ont pas été sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala dans ses œuvres. En apparence, ces œuvres, aux yeux des gens, étaient des œuvres immenses. La lutte sur le sentier d'Allah jusqu'à mourir, l'apprentissage de la science et son enseignement, la lecture du Coran, les dépenses avec générosité sur le sentier d'Allah, les aumônes et ainsi de suite. Mais ils ne recherchaient pas à travers cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'étaient pas sincères. Mais ils avaient de mauvaises intentions, des objectifs corrompus, car ils recherchaient les éloges et les compliments des gens, wal'ayadu billah. Celui qui luttait sur le sentier d'Allah ne recherchait pas à élever la parole d'Allah, mais il ne voulait qu'élever sa personne, être connu parmi les gens pour son courage et son héroïsme. Il a donc eu sa rétribution dans ce bas monde. Les gens ont fait ses éloges, ont dit de lui qu'il était courageux, mais dans l'au-delà, sa rétribution est qu'il sera humilié, son intention sera dévoilée, et il sera jeté dans le feu de l'enfer, wal'ayadu billah. De la même manière, ce savant, qui n'a pas étudié la science pour Allah, qui ne s'est pas instruit sur sa religion pour se rapprocher d'Allah, qui n'a pas enseigné aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'élever cette religion, de la secourir, et que les gens sachent qu'est-ce qui leur est obligatoire vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas enseigné cela pour obtenir la satisfaction et l'agrément d'Allah, malgré que ces actions sont des actions parmi les plus méritoires. Et on connaît tous le mérite de la diffusion de la science. Celui qui indique un bien obtient la récompense de celui qui le fait. Des récompenses sans compter. Mais celui-ci ne tirera aucune récompense. Pourquoi? Car son intention était juste que l'on dise de lui qu'il est un savant, qu'il a de la science, qu'il a beaucoup mémorisé, ou autre chose semblable. Il a donc obtenu sa rétribution dans ce bas monde. Les gens ont fait ses éloges et l'ont complimenté. Mais dans l'au-delà, il sera humilié. Ses mauvaises intentions seront dévoilées et il sera jeté en enfer en raison de son ostentation. Et il en est de même concernant celui à qui des richesses ont été accordées et qui n'a pas fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala en les dépensant sur son sentier pour se rapprocher de lui. Il n'a pas eu conscience que cet argent était un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié afin de voir comment il allait s'en servir et qu'est-ce qu'il allait faire de cet argent. Donc il l'a dépensé pour que l'on dise de lui qu'il est généreux, et il ne l'a pas dépensé pour obtenir la satisfaction et l'agrément de son Seigneur. Il a donc obtenu sa rétribution dans ce bas monde. Les gens ont dit de lui qu'il était généreux, mais dans l'au-delà il sera privé de rétribution pour ses actions. Il sera humilié et dévoilé, et il sera jeté dans le feu de l'enfer, wal'ayadu billah. Voyez donc qu'il y a une exhortation immense pour toute personne au cœur vivant à travers la lecture de ce hadith. Et il convient à chacun d'entre nous de se rappeler sans cesse de la situation de ces trois hommes, afin de prendre garde de ne pas être l'un d'eux, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous. Donc on tire de ce hadith de nombreux bénéfices et parmi eux, premièrement, la mise en garde contre l'ostentation, al-riya, qui consiste à accomplir une œuvre par laquelle on est censé chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de ne pas l'accomplir sincèrement pour Allah, mais plutôt pour rechercher les éloges et les compliments des gens. Donc celui qui agit de cette manière, il doit se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-alim. Il sait ce qui se trouve au fond de la poitrine de ses serviteurs. Pas une de tes intentions ne lui échappe. Il se peut qu'aux yeux des gens, tu sois considéré comme généreux, savant, bon lecteur, prieur, assidu, à la mosquée, un jeûneur ou autre chose semblable. Il se peut que les gens fassent tes éloges à ce sujet. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se trouve dans ton cœur comme intention. Ceci n'échappe pas à ton Seigneur, même si les gens ne le savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala est al-alim, al-khabir, et il sait parfaitement toutes choses. Tu dois avoir conscience de cela, et te rappeler de cela lors de l'accomplissement de chacune de tes actions. Te demander des comptes, avant que des comptes ne te soient demandés, et de te retrouver humilié et dévoilé au jour de la résurrection, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et de nombreux hadiths sont rapportés concernant la gravité et le danger de l'ostentation. Et j'ai donné deux cours détaillés à ce sujet, je vous invite à y revenir et à les écouter. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que ceux qui agissent par ostentation, ils ne trouveront leur rétribution pour leurs actions que dans ce bas monde. Celui-là fait des aumônes pour que l'on dise de lui qu'il est généreux. Les gens vont dire qu'il est généreux peut-être. Et ceci est sa rétribution. Il aura eu ce qu'il recherchait. Celui-ci va être assidu à ses prières pour que l'on dise de lui qu'il est assidu, qu'il est vertueux. Les gens vont le dire, et il aura eu sa rétribution et ce qu'il recherchait. Celui-ci va apprendre la science, mémoriser le Coran pour que l'on dise de lui qu'il apprend, qu'il mémorise. Ceci va peut-être être dit, et il aura ainsi eu sa rétribution dans ce bas monde. Il aura eu ce qu'il recherchait. Mais dans l'au-delà, il sera humilié. Ses intentions qui sont mauvaises seront dévoilées. Et il sera jeté en enfer, wal'iyadu billah. En raison de ce grave péché, al-riya, qui relève du polythéisme mineur, qui est ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le plus peur pour sa communauté. La chose dont j'ai le plus peur pour vous est le shirk al-asrar, le polythéisme mineur. Il fut interrogé à son sujet, il dit c'est l'ostentation. Et nul n'est à l'abri de cela, et chacun d'entre nous doit sans cesse veiller à se demander des comptes et à corriger ses intentions. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith est qu'il n'est pas suffisant de parfaire ses actions en apparence. Si tu souhaites être sauvé dans l'au-delà, au jour de la résurrection, il est indispensable que tu accompagnes la beauté et la perfection de ton acte en apparence par la beauté de ton intention en ton fort intérieur. Car aucune action ne peut être acceptée du serviteur si ce n'est en remplissant deux conditions. La conformité à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ton acte soit conforme à sa sunna, que tu l'accomplisses de la manière dont l'a accompli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième condition est que tu accomplisses cet acte sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ta seule motivation à agir et de te rapprocher de ton Seigneur, d'obtenir sa satisfaction et son agrément, d'obtenir sa récompense et son paradis. C'est cela que tu dois rechercher à travers tout acte d'adoration. Et si tu n'agis pas de cette manière, et qu'une de ces deux conditions n'est pas présente dans l'une de tes œuvres, alors cette œuvre est rejetée. Aussi nombreux soient tes efforts pour te conformer à la sunna, et pour parfaire ton acte en apparence, si tu n'es pas sincère, ton œuvre est rejetée. Et de la même manière, aussi sincère sois-tu, si tu accomplis une œuvre innovée, alors celle-ci est rejetée. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que le croyant ne doit pas se soucier du regard et des paroles des gens. Ceci ne doit pas t'importer que leurs paroles soient positives ou négatives à ton sujet. Ce dont tu dois te soucier est ce à quoi tu dois donner de l'importance. C'est au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Tu dois avoir conscience qu'Allah t'observe, qu'Allah te voit, qu'Allah t'entend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que renferme ton cœur. Donc, tu dois agir pour chercher à le satisfaire et obtenir son agrément. Même si pour cela, tu dois provoquer parfois la colère des gens. Et tu dois prendre garde à ne pas rechercher à travers tes œuvres l'agrément des gens au détriment de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes sont touchées par leur réputation, par ce que l'on va dire d'eux, ce que l'on va penser d'eux, et ainsi de suite. Ils cherchent donc à plaire aux gens. Ils cherchent à plaire aux gens dans leur apparence. Ils cherchent à plaire aux gens dans leur attitude. Ils cherchent à plaire aux gens dans leur manière d'être, et ainsi de suite. Il se peut même que ceci atteigne leur manière d'agir en religion, au point d'accomplir des actes d'adoration pour rechercher leurs éloges et leurs compliments. Et combien sont ceux à être touchés par cela aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux? Celui-ci se prend en selfie devant la Kaaba. L'autre se prend en photo en train de lire le Coran à la mosquée. Celui-ci se met en photo en train de prier ou en train d'invoquer. Et autres parmi les exemples que l'on pourrait mentionner. Ces gens-là doivent se demander qu'est-ce que je recherche à travers cela? Qu'est-ce que je recherche en diffusant une photo de moi devant la Kaaba, ou en train de prier, ou en train d'invoquer, ou en train de lire le Coran, ou je ne sais quoi? Quel est l'objectif? Ne sais-tu pas qu'en faisant cela, tu as peut-être annulé la récompense de ton action? Ce voyage que tu as fait, pour lequel tu as dépensé tout cet argent, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que par cette seule photo, on ne parle même pas ici du jugement de la photo, on parle de ce qui en découle. Peut-être que par cette simple photo, tu as annulé toute la récompense de ton action. Wal'iyadhu billah. Donc il ne faut pas prendre cela à la légère et prendre garde et veiller à ne pas se soucier du regard des gens. Peu importe ce qu'ils pensent de toi, ce qui doit t'importer est ton rang et ton degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le dernier bénéfice que l'on va mentionner ici, parmi les nombreux bénéfices que l'on pourrait tirer de ce hadith, est l'importance de la purification des cœurs. Le musulman, il ne doit pas s'arrêter aux apparences, mais il doit se rappeler cette parole immense de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith authentique qu'il y a dans le corps une bouchée de chair. Si elle est bonne, c'est tout le corps qui sera bon, et si elle est mauvaise, c'est tout le corps qui sera mauvais. Et celle-ci n'est autre que le cœur. Donc, tu dois sans cesse veiller à purifier ton cœur de tout ce qui pourrait le souiller et le corrompre. Parmi les mauvaises intentions, comme l'ostentation, l'amour des compliments des gens, l'orgueil et la vanité, et ainsi de suite parmi les maladies du cœur, qui peuvent avoir pour conséquence le rejet de tes œuvres et que tu ne tires de tes efforts dans l'adoration que fatigue en ce bas monde et regret au jour de la résurrection. Donc donne de l'importance à ton cœur, cherche à le purifier et l'adoucir. Interroge-toi et demande-toi des comptes sur les intentions qui se trouvent dans ce cœur, afin de n'agir que pour te rapprocher de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, en veillant à toujours être sincère dans l'ensemble de tes actions et à ne rechercher que l'agrément et la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous compter parmi ses serviteurs sincères et de nous préserver de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur, et de nous aider à purifier nos cœurs et nos intentions. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.